peut-être redémarrer en espérant que vous avez bien profité du soleil. Alors, nous allons donc cet après-midi consacrer le premier atelier au dispositif de prévention. Nous avons simplement un tout petit peu modifié l'ordre. C'est d'abord Louis Pierre qui présentera son intervention violence et cyberviolence, un problème des solutions. Willy Pierre est président de l'association Les Parents et coordinateur du collectif We Are You Are Heroes. Et ensuite, c'est Catherine Verdier qui présentera une intervention intitulée La confiance en soi pour être ni victime ni harceleur, de l'association présidente de l'association La Main Tendue au Luxembourg et vice-présidente de l'association Marion La Main Tendue en France à la base. Voilà, association créée au départ en France. Donc, je vous laisse la parole. Vous savez, Willy, vous avez 30 minutes pour présenter. Et vous avez présenté le jeu que vous avez, le jeu des valeurs, que vous avez mis au point. Voilà. Alors, on rompt un peu avec les normes, puisque donc, je ne fais pas preuve de galanterie. Mais... Ah, celui-là. Non. Ça marche. Ouais. Celui du milieu. Celui du milieu. On ne pourra pas parler à deux. On va partager la parole. Je disais, on rompt un peu avec les normes aujourd'hui, parce que je ne fais pas preuve de galanterie, je vais démarrer. En fait, c'est surtout pour essayer de poursuivre un peu le raisonnement de ce matin, mais en repartant un peu plus sur les bases de ce qu'on connaît, et notamment, c'est vrai aussi ce qu'on observe les associations sur le terrain. Pour un petit rappel rapide, l'association donc Les Parents s'est créée suite à un drame en février 2013 à Bourg-Saint-Maurice, le suicide d'un jeune collégien qui était harcelé depuis 3 ans parce qu'il était rouquin. Donc une simple différence de couleur de cheveux peut suffire à déclencher le pire. Et puis on a tout de suite voulu faire du soutien à la parentalité aussi, parce qu'on s'est rendu compte que parfois les familles se retrouvaient isolées face à ces problèmes aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé l'association Les Parents. Et puis on a décidé de créer un collectif qui s'appelle You Are Heroes. Et ce collectif, donc avec les initiales YAH, qui fait écho à NAH, qui est la campagne officielle du gouvernement, du ministère de l'Éducation. Non au harcèlement. Et c'est vraiment le but, c'était de créer un maillage territorial qui complète un dispositif national, parce que évidemment on sait aussi que avec par exemple le cyberharcèlement, ça va au-delà de l'établissement scolaire et que parfois d'autres acteurs ont besoin d'être mobilisés aussi à l'extérieur des établissements. On a aussi fait beaucoup de constats dans un premier temps de difficultés à rassembler, parce que c'est vrai que c'est un phénomène récent. C'est pas facile. De plus en plus, les médias sont vraiment alertes et en parlent. Donc ça contribue énormément à libérer la parole. C'est pas toujours suffisant, malheureusement, mais ça y contribue énormément. Je pense que c'est très important aussi de rappeler qu'il y a une notion de droit. On parlait beaucoup ce matin de définir finalement qu'est-ce que sont les termes. Je pense que c'est important aussi de connaître et vraiment de parler de ce que sont les lois, les règles, primordiales même. Surtout quand on parle d'Internet, parce que, on l'a dit, les enfants sont concernés. On dira même que c'est peut-être les plus fragiles et ceux qui sont les plus confrontés à ça, mais les adultes aussi. Ça, bien sûr, qu'il ne faut pas se culpabiliser. C'est pas parce qu'on n'est pas né avec un smartphone qu'on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe avec. Et c'est très important aussi que la société dans son ensemble prenne conscience des enjeux de l'éducation et de l'Internet de nos jours. Voilà. Donc, on sait qu'il y a environ, on parle de 7 à 23% des élèves touchés. C'est énorme. Ça fait 700 000 élèves. Catherine Verdier qui a écrit un livre que je vous invite à lire, J'aime les autres, qui vient de sortir, dans lequel on nous rappelle que ça représente presque 3 à 4 millions d'enfants au total, si on prend en compte ceux qui ne parlent pas, a priori, et puis les témoins. C'est énorme. Ça veut dire que c'est des millions d'enfants qui chaque année sont touchés, des millions de citoyens qui sont confrontés à ces problèmes. Évidemment, il faut qu'il y ait une prise de conscience et puis des actions qui soient conduites pour mettre un terme, parce que c'est un vrai fléau de société. On fait quoi pour intervenir? C'est clair que déjà le harcèlement, donc au-delà du fait que ce soit on l'a dit, je pense que c'est intégré, c'est un phénomène de violence répétée, tantôt verbale, tantôt physique, voire les deux. Ça comprend aussi le harcèlement sexuel, qui peut conduire au viol. On a le racket, le bizutage. C'est large. Et en même temps, il y a déjà un cadre qui existait avant les récentes avancées. Chaque établissement scolaire en France, il faut le savoir, est sommé d'avoir un plan d'action et de prévention contre la violence et de le renouveler chaque année. C'est la loi, privée, publique, tout le monde y est soumis. C'est important de le savoir. C'est nouveau. Ça a toujours existé. Mais ce qui est nouveau, c'est que y a un contrôle. Disons qu'en tout cas, suite à la prise de conscience, puis il y a aussi une loi maintenant, la loi du 4 août 2014, qui a peut-être échappé un peu à la promotion, 4 août, en même temps c'était pas facile. Mais c'est très important aussi d'en parler. C'est une loi qui punit désormais, qui répréhende l'effet de harcèlement et de cyberharcèlement. C'est reconnu désormais comme un délit, au pénal comme au civil. Il faut savoir aussi que maintenant les mineurs de moins de 15 ans sont concernés et peuvent porter plainte. C'est aussi une nouveauté. Vous me direz, mais pourquoi finalement une réponse pénale à un enjeu comme ça? On pourrait peut-être trouver d'autres solutions et tout ça. Alors, c'est sûr que quand on parle d'incident, d'un harcèlement qui peut être vite interrompu, etc., on a envie de dire oui, effectivement, la réponse pénale, c'est peut-être un peu démesuré. Mais quand on parle de harcèlement, de choses très graves, comme le harcèlement sexuel aussi, peut avoir des conséquences horribles, on le sait très bien. Et puis, il y a des enfants qui ne sont plus là pour en parler. Donc, évidemment, il fallait qu'il y ait une réponse pénale. Aujourd'hui, c'est le cas. Maintenant, il faut aussi qu'elle soit appliquée. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler les acteurs sur le territoire pour faire en sorte que tout un chacun, en tant que parent, en tant que personnel d'établissement scolaire, personnel de la santé, service de l'ordre, etc., on ait une visibilité de manière à ce qu'on puisse être identifié et que les victimes puissent se tourner vers nous. Voir que les harceleurs réfléchissent à deux fois et se disent « Ah ouais, il y a peut-être d'autres solutions pour moi. » Notre travail, c'est vraiment de mettre en place des médiations. Donc le travail de médiation, c'est le principal moyen de régler un conflit. Donc on forme des médiateurs dans les établissements. Et on travaille aussi à faire en sorte qu'à l'extérieur des établissements, il y ait une communauté, des vigies citoyennes, partout où on va, on intervient, qui soient implantées et puis reconnues par la communauté. Notamment, ça faisait partie d'un projet en région Rhône-Alpes, on avait rejoint le même sujet, ce Sentinelle, tout de suite, ça va faire référence à Vigipirate, mais c'était le même nom. Le but, c'était vraiment de créer des sentinelles, des vigies citoyennes partout, autour des établissements, pour que ces choses-là, qui parfois aussi arrivent sur le chemin de l'école, il faut le rappeler, avec le cyberharcèlement qui nous suit partout, chez nous, H24, même dans notre intimité, voilà, on trouve des réponses. Autre chose que que je tenais à dire par rapport à ça, c'est vrai que on n'a pas beaucoup parlé du rôle du témoin. Non. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que le harcèlement passe par le groupe. C'est-à-dire que le harceleur va se servir des autres pour manipuler et isoler une personne du groupe. Donc si on veut inverser le processus, ça passe aussi par le groupe. C'est-à-dire que si on veut redonner de la valeur et de la confiance en soi à un harcelé, ça passera par les valeurs aussi du groupe. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail de psychologie, mais aussi, enfin, je veux dire, de valorisation du groupe qui doit être intégré. Et c'est pour ça que même si nous, on fait de l'accompagnement, les associations, on fait beaucoup d'accompagnement individualisé, je pense que les établissements et la communauté éducative ont un vrai rôle à jouer dans la prévention, et notamment à ce niveau-là, c'est-à-dire pour redonner du sens et des valeurs au groupe. Voilà. Voilà, le respect, le partage, la solidarité, l'altruisme, autant de valeurs qui peuvent être, d'ailleurs, sans transition. J'ai valeur en main, donc c'est un jeu de cartes, par exemple, c'est un kit pédagogique. C'est pas pour faire de la pub, hein. J'ai ramené plein de... C'est non exhaustif. Comme je l'ai dit, on est un collectif d'associations, donc vraiment, on essaye de rassembler. Si vous voulez les consulter, j'ai mis quelques livres ici. Hein. C'est un début de bibliothèque. Et puis donc, il y a ce jeu de cartes qu'on a créé qui permet, en fait, de manière ludique, d'aborder ce qu'est la gestion de conflits. La base de la communication et de la gestion de conflits. Un jeu de cette famille qui a été transformé en... c'est un jeu de cette famille, ça se joue comme un jeu de cette famille, mais avec des cartes valeurs et des cartes malheurs, ce qui fait qu'on doit deviner les valeurs et les malheurs des autres. Donc ça génère du dialogue, etc. Ça a été notre réponse. Voilà. Chaque association a créé des outils. Il y a Stop and Go, dont on parlera Catherine Verdier après. Par l'association Marion la main tendue. On a fait aussi des outils pour les maternelles, je pense une nouvelle école pour Léo qui a été faite par la CVS 49, donc l'association contre les violences scolaires à Angers, famille Lorando. Il y a Noémia aussi qui fait un boulot exceptionnel, Noémia Grand qui est ambassadrice de notre collectif. Enfin bref, sur tout le territoire, compris Outre-mer, il y a des associations aujourd'hui qui existent et qui essayent de travailler main dans la main, hein, même si je ne vous le cache pas, en tant que coordinateur principal, je ne me priverai pas de le dire aujourd'hui. On a besoin d'être rassemblés et on ne peut pas beaucoup compter sur les autres. Voilà. C'est très important, je pense, de rassembler tous les acteurs. Il y a des journées de mobilisation, mais c'est un peu la limite actuelle, puisqu'on a, cet après-midi, on parle aussi un peu des dispositifs. Bah, dans les limites du dispositif actuel, moi, je pense qu'on accuse un manque de rassemblement. C'est bien. On a non-harcèlement, donc je l'ai mis à l'écran, je crois, ouais. On a aussi Internet signalement, qu'on trouvait très important. Je ne sais pas si vous connaissiez. Système Pharos. Donc, en fait, c'est la police, hein, vous voyez, ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, c'est un système, en quelques clics, on signale une violence qu'on a subie sur Internet. Et en fait, ça va nous donner un numéro de plainte de manière anonyme. En plus, c'est possible aussi. Donc, encore une fois, le rôle du témoin. C'est très important d'en parler parce qu'il est encore très peu connu aussi. Hein. La loi du 4 août, le système Pharos, non-harcèlement qui est quand même a priori plus déjà connu. Donc avec ce numéro vert, le 30-20, par contre un peu limite. Ouvert qu'en journée, pas les week-ends, pas les jours fériés. Autant vous dire que les associations travaillent H24, mais vraiment. Pas plus tard que la nuit dernière, à 2h du matin, il y a le téléphone qui sonne, etc., etc. On fait ce qu'on appelle la prévention au suicide. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on parle quand même de détresse psychologique de personnes, de victimes en souffrance. C'est un vrai sujet, c'est grave. Et je pense qu'il ne faut pas de demi-mesure. Un numéro vert qui est ouvert qu'en journée, et voilà. En tout cas, on est beaucoup à se dire que c'est un peu limité. Il y a aussi NetEcoute quand même. Il y a en France NetEcoute qui permettent de, d'avoir aussi des réponses. Alors, quelqu'un qui nous répond sur Internet, pour NetEcoute notamment, on peut écrire et on nous répond. Après, il y a quand même le problème du suivi qui va se poser, en tout cas, parce qu'il n'y a pas forcément un suivi. Voilà. C'est pas pour avoir un discours de réactionnaire ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce qu'on essaie de réfléchir à la suite. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce dispositif non-harcèlement il trouve un développement constant et que ça aille dans le bon sens? Donc voilà. J'en profite pour vous le dire. Et puis, aussi une question de reconnaissance du statut des associations, par exemple, puisqu'il faut savoir que dans l'éducation nationale, il faut travailler normalement avec un agrément. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de réticence à donner des agréments à des associations d'aide aux victimes dans l'éducation. J'espère que ça évoluera. Voilà. Même si on travaille, nous, main dans la main toute l'année avec tous les acteurs, inspection académique, service académique, ministère de l'éducation, ministère de l'aide aux victimes à Paris, on est très, très, très souvent amené à parler avec eux, à échanger, à travailler main dans la main. Et puis à faire le relais, bien sûr, avec les familles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie question, la parentalité est au cœur du raisonnement. On a fait un livre, d'ailleurs, c'est le dernier que j'ai fait, ça s'appelle « Les parents, c'est héros ». Et c'est vraiment pour expliquer aussi comment les parents, face aux problèmes actuels de leurs enfants, c'est pas du tout pour évangéliser les enfants ou les parents. Pareil, You Are Heroes, c'est pas pour faire du narcissisme, hein, c'est vraiment pour parler de retrouver de la confiance en soi et sortir de cette culpabilisation permanente aussi, qui est bien d'actualité, je dirais. C'est-à-dire que quelque part, on a toujours peur de ce que pensent les autres de nous, y compris en tant que parents. Hein. Donc voilà, je pense que c'est ce qui est important de dire. Pour revenir quand même sur les différents acteurs, donc évidemment les parents, l'entourage de l'enfant élève, c'est ceux qui peuvent détecter les premiers les signes de détresse, hein, c'est pas évident. Changement de comportement qui peut laisser présager un décrochage, une souffrance psychologique, outre les pantalons déchirés, bien évidemment, qui permet vraiment d'identifier un problème. Il y a aussi une notion de. Il ne faut jamais oublier que les parents sont au cœur du sujet. C'est les principaux repères pour l'enfant. On peut toujours se substituer, et franchement, ce n'est pas facile de se substituer à des parents. C'est pour ça que dans toute médiation, nous, on recommande à ce que les parents soient présents. C'est-à-dire que, par exemple, des confrontations directes entre harceleurs et harcelés, on n'y croit pas trop. Ça peut même aggraver les choses dans certains cas. Et puis, bien sûr, le rôle des parents pour tout ce qui est d'Internet, je pense que voilà, hein, c'est évident. Si on n'a pas... forcément, on n'est pas né avec un smartphone, on est capable de comprendre ce que c'est d'être né avec un smartphone. Et quand on est né avec un smartphone, on est capable aussi de comprendre ceux qui ne sont pas nés avec. Mais par contre, on a une responsabilité, certes. Alors peut-être qu'on en porte le poids, et peut-être que c'est générationnel. En tout cas, il faut sortir de cette culpabilité et il faut vraiment essayer de comprendre que c'est un enjeu de société. Moi, en général, pour le faire comprendre, je prends toujours l'exemple de la finance. Internet, c'est un problème aussi pour les grands. 90 milliards d'euros par an détournés dans le monde. Voilà. C'est qui ? C'est Obama qui disait au G8 à Nice que c'était la première menace mondiale bientôt. Donc, c'est un vrai sujet de société. Ensuite, bien sûr, il y a le personnel de l'établissement et l'éducation nationale qui est là pour être une vigie en permanence, mais qui doit aussi pouvoir, enfin, qui est la première à pouvoir prendre des sanctions, punir, ou mettre en place une médiation. Le choix lui revient. Si l'établissement lui-même est confronté à une situation compliquée, il y a les services de l'académie qui peuvent prendre le relais. Et en cas, je dirais, d'absence de médiation cohérente et efficace, ceux qui peuvent prendre le relais, c'est notamment les services de l'ordre et de la justice, et ça arrive. Faut pas se le cacher. Et donc, comme je vous le disais, on peut porter plainte désormais, il y a une loi. Si les gendarmes et les policiers ne prennent pas la plainte pour une raison ou une autre, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, il y a la possibilité de porter plainte directement au procureur de la République avec un courrier en accusé réception, à laquelle on peut très bien faire une copie, par exemple, à une association d'aide aux victimes, un défenseur des droits. Ça peut être une solution. Bien sûr, les services de santé ne sont pas loin. Si l'univers des psys, ça effraie parfois, ça peut être un très très très bon moyen aussi d'apporter un soutien psychologique et d'apporter des, au moins dans un premier temps, à l'enfant une... À côté de Catherine Verdi, c'est dur de parler. Mais non, vas-y. Je m'en vais. L'univers psy est merveilleux. Elle vous en dira plus. Enfin, c'est important quand même, je tenais à dire, par rapport au service de santé, on y pense aussi parce qu'il y a les preuves. Si vous voulez amener des éléments de preuve, on se posait la question, comment finalement on prouve un harcèlement, hein? Comment on peut prouver que je suis harcelé? C'est vrai pour le harcèlement au travail. Il y en a combien qui arrivent à gagner, à avoir gain de cause dans le harcèlement au travail? C'est une vraie question. Il y a les preuves médicales, évidemment, qui vont être un moyen... Donc bien sûr, ne pas l'oublier. Et puis, parce que c'est d'abord, évidemment, avant même la scolarité de l'enfant, c'est sa santé qu'il faut prioriser. Donc ne jamais le perdre de vue. Et puis donc nous, les associations et les défenseurs des droits, on va dire qu'on est un peu aussi une dernière roue de secours, comme les médias et les lanceurs d'alerte. En tout cas, les médias, je ne parle pas de prévention, mais je parle vraiment là d'action. Pour pouvoir aussi alerter et interpeller l'opinion publique dans les cas les plus graves, quand il y a un déni, hein, comme on dit, un déni de société, de démocratie, etc., un déni de justice. Il faut aussi interpeller l'opinion publique, et ben, il y a des gens pour le faire. Et puis, ben, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, mais effectivement, nos décideurs ont aussi des choses à faire, je pense, et j'espère que ce sera le cas. Je n'ai pas beaucoup à en dire plus. Je ne sais pas à peu près, mais voilà. 5 minutes, si vous voulez. Ouais. On va laisser de la place aux questions, ouais. Parce que je suis sûr que... Il y a plein de questions. Mais voilà, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est clair, c'est les choix auxquels on fait face quand on est harcelé. Les étapes à suivre, hein, c'est évidemment la première chose, hein, c'est notre slogan. Sortir du silence, c'est évident. Faire le premier pas, s'entourer de proches de confiance et de personnes qui sont capables de comprendre et d'aider face à des situations de ce genre, donc faire la différence et réagir, en parler à l'établissement pour qu'il y ait une médiation, des sanctions, une prévention, une surveillance accrue, porter plainte au commissariat, à la gendarmerie ou au procureur de la République si la plainte n'est pas prise au sérieux, et puis sinon faire appel à une association d'aide aux victimes ou aux défenseurs des droits. Voilà. C'est la base de. Enfin, je veux dire, c'est les principales solutions dans un premier temps qu'on peut trouver face à ces problèmes. Très bien, bah, merci beaucoup, Willy, pour cette présentation. Je vais laisser la place aux questions. J'ai entendu, moi, deux éléments que je peux juste reprendre. Cet aspect rôle de médiation, travail de médiation, auquel on ne peut qu'être sensible en tant que membre du CREM, Centre de recherche sur médiation. Et donc, vous avez évoqué ce point très, très important. Et puis, le rôle du groupe aussi. Hein. Le rôle du groupe, on est à l'ESPE, dans un lieu de formation. C'est vrai que le rôle du groupe est aussi très, très important.